Chapitre 9e, le Klondike. C'est une vaste région, baignée par les eaux de deux océans, l'Arctique et le Pacifique, cette portion du Nord-Amérique qui s'appelle l'Alaska. On ne donne pas moins de 1500 000 km² à ce territoire que l'empereur russe, autant dit-on par sympathie pour l'Union que par antipathie pour la Grande-Bretagne, céda aux États-Unis qui firent ce jour-là un pas de plus vers la réalisation intégrale de la fameuse doctrine de Monroe, toute l'Amérique aux Américains. En dehors des gisements aurifères qu'elle contient, y aura-t-il grand profit à tirer de la contrée mi-canadienne, mi-alaskienne que le Yukon arrose, contrée en partie située au-delà du cercle polaire et dont le sol n'est propre à aucune culture? C'est peu probable. Il ne faut pas oublier cependant que l'Alaska, en y comprenant les îles Baranoff, Amirauté, Prince de Galles, qui en dépendent, ainsi que l'archipel des Aléoutiennes, possède un développement littoral immense où nombre de ports se prêtent à le relâche des navires, depuis Sitka, capitale de l'État d'Alaska, jusqu'à Saint-Michel, placé à l'embouchure du Yukon, l'un des plus grands fleuves du monde. Le 141e méridien a été arbitrairement choisi comme ligne de démarcation entre l'Alaska et la puissance du Dominion. Quant à la limite méridionale, qui dévie et se recourbe de manière à envelopper les îles riveraines, elle manque peut-être de la précision désirable. En jetant les yeux sur une carte de l'Alaska, on remarque que le sol est plat sur sa plus grande étendue. Le système orographique ne s'accuse que dans le sud. Là débute la chaîne des montagnes qui se continue à travers la Colombie et la Californie sous le nom de Cascade Ranger. Ce qui frappe plus particulièrement, c'est le cours du Yukon. Après avoir arrosé le Dominion en se dirigeant vers le nord après l'avoir couvert de l'immense réseau de ses affluents, le magnifique fleuve pénètre dans l'Alaska, décrit une courbe jusqu'au fort Yukon, puis, redescendant vers le sud-ouest, va se jeter à Saint-Michel dans la mer de Bering. Le Yukon est supérieur au Père des Eaux, au Mississippi lui-même. Il ne débite pas moins de 23 000 mètres cubes à la seconde et son cours s'étend sur 2290 km à travers un bassin dont la surface égale deux fois celle de la France. Si les territoires qu'il parcourt ne sont pas susceptibles de culture, l'aire forestière y est très considérable. Ce sont particulièrement d'impénétrables bois de cèdre jaune où le monde entier pourrait se fournir si les forêts plus accessibles venaient à s'épuiser. Quant à la faune, elle a pour représentant l'ours noir, l'orignal, le caribou, le thébaï ou brumis de montagne, le chamois à long pelage blanc, plus une riche collection de gibier de plumes, gélinottes, bécassines, grives, perdrix des neiges, canards qui se multiplient par myriades. Les eaux qui baignent l'immense périmètre des côtes ne sont pas moins riches en mammifères marins et en poissons de toute espèce. Il en est un, le harlatan, qui mérite une mention spéciale. Ce poisson est tellement imprégné d'huile que l'on peut, sans aucune préparation, l'allumer pour s'éclairer ainsi qu'on ferait d'une torche, d'où ce nom de candlefish que lui ont donné les Américains. Découverte par les Russes en 1730, explorée en 1741, alors que sa population totale, en général d'origine indienne, ne dépassait pas 33 000 habitants, cette contrée est présentement envahie par la foule des émigrants et des prospecteurs que les mines d'or attirent depuis quelques années au Klondike. C'est en 1864 que l'on entendit parler pour la première fois de ces mines arctiques. À cette époque, le révérend MacDonald trouva l'or à ramasser par cuillerée dans une petite rivière voisine du fort Yukon. En 1882, une troupe d'anciens mineurs de la Californie, et parmi eux les frères Boswell, s'aventurent à travers les traces du Chilkoot et exploitent régulièrement les nouveaux placeurs. En 1885, des orpailleurs du Lewis Yukon signalent les gisements du Fort Emiles Creek, un peu en aval de l'emplacement futur de Dawson City, presque à l'endroit même que devait occuper plus tard le Claim 129 de Josias Lacoste. Deux ans après, au moment où le gouvernement canadien procède à la délimitation de la province, ils en ont extrait 600 000 francs d'or. En 1892, la North American Trading and Transportation Company de Chicago fonde la bourgade Cudahy au confluent de Fort Emiles Creek et du Yukon. Vers la même époque, tout en surveillant le travail, 13 constables, 4 sous-officiers et 3 officiers ne recueillent pas moins de 1500 000 francs dans les claims du 60 Miles Creek, un peu en amont de Dawson City. L'élan est donné, les prospecteurs vont accourir de toutes parts. En 1895, il ne sont pas moins de 1000 Canadiens, principalement des Français, à franchir le Chilkoot. mais c'est en 1896 que se répand la retentissante Nobel. On vient de découvrir un cours d'eau d'une richesse incroyable. Ce cours d'eau, c'est l'Eldorado, un affluent de la Bonanza, laquelle est un affluent de la Klondike River, elle-même affluent du Yukon. Aussitôt s'empresse la foule des chercheurs d'eau. À Dawson City, les lots qui se vendaient 25 francs en valent bientôt 150 000. La région qui porte plus spécialement le nom de Klondike n'est qu'un district du Dominion. Le 141e degré de longitude, qui trace déjà la ligne de démarcation entre l'Alaska devenue américaine et les possessions de la Grande-Bretagne, forme aussi la limite occidentale de ce district. Au nord, un affluent du Yukon, la Klondike River, marque sa frontière et va confluer à la ville même de Dawson City qu'elle divise en deux parties inégales. Par l'est, il confine à cette portion du Dominion sur laquelle apparaissent les premières ramifications des montagnes rocheuses et que le Mackenzie traverse du sud au nord. Le centre du district se relève en haute colline, dont la principale, le Dôme, fut découverte en juin 1897. Ce sont les seuls reliefs de ce sol, généralement plat, où se développe le réseau hydrographique qui se rattache au bassin du Yukon. La plupart des tributaires du fleuve charrient l'eau en paillettes et sur leurs rives, des centaines de claims sont déjà en exploitation. Mais le territoire aurifère par excellence est celui que baigne la Bonanza, servi des dômes de Cormac et ses multiples affluents, l'Eldorado, la Queen, le Boulder, l'American, le Pure Gold, le Cripple, la Tail, etc. On s'explique que sur un territoire sillonné de criques et de rios entièrement dégagés de glace pendant les 3 ou 4 mois de la belle saison, sur ces gisements si nombreux et d'une exploitation relativement facile, les prospecteurs se soient précipités en foule et l'on comprend que leur nombre augmente chaque année malgré les fatigues, la misère, les déboires du voyage. À l'endroit même où la Klondike River se jette dans le Yukon, il n'existait, il y a quelques années, qu'un marais souvent submergé par les crues. Quelques huttes d'Indiens, des sortes d'isbas construites à la mode russe, où vivaient misérablement des familles indigènes, animaient seules cette triste solitude. C'est à ce confluent des deux cours d'eau qu'un Canadien du nom de Leduc fonda un beau jour Dawson City, qui en 1898 comptait déjà plus de 18 000 habitants. La ville fut d'abord dévissée par son fondateur en lots dont celui-ci ne demandait pas plus de 25 francs, lots qui trouve maintenant acheteurs à des prix variant entre 50 et 200 000 francs. Si les gisements du Klondike ne sont pas voués à un épuisement prochain, si d'autres placeurs sont découverts dans le bassin du Grand Fleuve, il peut arriver que Dawson City devienne une métropole aussi imposante que Vancouver de la Colombie-Britannique ou Sacramento de la Californie américaine. Au premier jour qui suivirent sa naissance, la ville nouvelle fut menacée de disparaître sous l'inondation, comme il en était du marécage dont elle occupait la place. Il fallait construire des digues solides pour se garantir contre ce danger, qui n'existe d'ailleurs chaque année que pendant un temps très court. Si, en effet, au moment de la débâcle du Yukon, l'abondance des eaux est telle que les plus grands ravages sont à redouter, durant l'été, par contre, le niveau des fleuves baisse à ce point que la Klondike River peut être traversée à pied sec. Ben Radle connaissait à fond l'histoire de ce district. Il s'était mis au courant de toutes les découvertes faites depuis quelques années. Il savait quelle avait été la progression constante du rendement des placeurs et quel coup de fortune s'y était produit. Qu'il ne fût venu au Klondike que pour prendre possession du claim de 40 Miles Creek, pour en reconnaître la valeur, pour le vendre au meilleur prix, on devait le croire puisqu'il l'affirmait. Mais ce Miskim sentait que l'intérêt de son cousin pour les questions aurifères avait cru en même temps que diminuait son éloignement de la région minière et de plus en plus il redoutait que l'on ne prît racine dans ce pays de l'or et de la misère. À cette époque, le district ne comptait pas moins de 18 000 claims, numérotés depuis l'embouchure des affluents et des sous-affluents du Yukon jusqu'à leur source. Les lots étaient de 500 pieds de superficie ou de 250 d'après la modification apportée par la loi de 1896. L'engouement des prospecteurs, la préférence des syndicats, allait toujours au gisement de la Bonanza, de ses tributaires et des collines de la rive gauche de la Klondike River. N'est-ce pas dans ce sol privilégié que Georgie McCormack vendit plusieurs claims de 24 pieds de longueur sur 14 de largeur, dont on retira des pépites pour une valeur de 8 000 $, soit 40 000 francs en moins de 3 mois. La richesse des gisements de l'Eldorado n'est-elle pas si grande que d'après le cadastreur Ogilvy, la moyenne de chaque plat est comprise entre 25 et 35 francs. D'où cette logique conclusion que si, comme tout le donne à croire, La veine est large de 30 pieds, longue de 500, épaisse de 5. Elle produira jusqu'à 20 millions de francs. Aussi, dès cette époque, les sociétés, les syndicats cherchaient-ils à acquérir ces claims et se les disputaient-ils au plus haut prix. Il était véritablement regrettable, c'est du moins ce que devait se dire Ben Radel, car pour ce Miskim, il n'y songeait guère, que l'héritage de l'oncle Josias n'eût pas été un de ces claims de la Bonanza, au lieu d'appartenir à la région du Forty Miles Creek, de l'autre côté du Yukon. Quand on eût voulu l'exploiter ou le vendre, le profit eût été plus considérable. Il est même à supposer que les offres faites aux héritiers auraient été telles qu'ils n'eussent pas entrepris le voyage du Klondike. Ce Miskim serait alors en villégiature dans sa ferme de Green Valley, au lieu de patauger dans les rues de cette capitale, dont la bourre enferme peut-être des parcelles du précieux métal. Restaient, il est vrai, les propositions faites par la Trading and Transportation Company, à moins que, faute de réponse, elles ne fussent devenues caduques. Après tout, Ben Radel était venu pour voir, il verrait. Bien que le 129 n'eût jamais produit des pépites de 3000 francs, la plus grosse qui fut trouvée au Klondike atteignait cette valeur, il ne devait pas être épuisé, puisque des offres d'achat avaient été faites. Les syndicats américains ou anglais ne traitent pas les yeux fermés ces sortes d'affaires. Il était donc à croire, même en admettant le pire, que les deux cousins retireraient de leur voyage au moins de quoi en couvrir les frais. D'ailleurs, Ben Radel le savait, on parlait déjà de nouvelles découvertes. Semi avait les oreilles rebattues du Hunter, un affluent de la Klondike River, qui s'écoule entre des montagnes hautes de 1500 pieds, riches de gisements dont l'or était plus pur que celui de l'Eldorado, du Golden Bottom, où d'après les rapports d'Ogilvy, il existerait un filon de quartz aurifère donnant jusqu'à 1000 dollars par tonne. 200 autres rios plus merveilleux encore. « Tu comprends, Samy ?» conclut Ben Radel. « En cas de déception, nous pourrons toujours nous retourner dans ce pays extraordinaire. » Samy faisait alors la sourde oreille et revenait obstinément à ses moutons. « Tout cela est parfait, Ben. Permets-moi cependant de te rappeler à la question. Très bien, la Bonanza, l'Eldorado, le Bear, le Hunter, le Gold Bottom. Mais il s'agit pour nous des Forty Miles, et je n'en entends pas plus parler de ce Forty Miles que s'il n'existait pas. « Il existe, sois tranquille, » répondait Ben Radel sans s'émouvoir. « Tu pourras le constater bientôt des visu. » Puis, revenant à son idée favorite, il reprenait. « Mais comment ne t'intéresses-tu pas davantage à ce prodigieux Klondike? Les rues sont pavées d'or ici, positivement, et le Klondike n'est pas le seul territoire de la contrée à être sillonné par les veines aurifères. Tu n'as qu'à jeter les yeux sur une carte, et tu verras quelle incroyable quantité de régions minéralisées sont déjà signalées. » Il y en a au Chilkoot, que nous avons traversé, au mont Cassiar et ailleurs. L'Alaska en est pleine, et leur chaîne se prolonge au-delà du cercle polaire, jusqu'au rivage de l'océan glacial. Mais cet hymne enflammé n'arrivait pas à troubler la sérénité de Samy. En vain, Ben Radel faisait-il miroiter tous ses trésors devant les yeux de son cousin. Celui-ci se contentait de répondre en souriant. « Tu as raison, Ben. Tu as parfaitement raison. Le bassin du Yukon est à coup sûr un pays béni des dieux. » En ce qui me concerne, je songe avec une véritable ivresse que nous en possédons un tout petit morceau. Car s'il était plus gros, il nous faudrait sans doute plus de temps pour en être enfin débarrassés.